écoutent et qui ont certainement aussi, comme toi, ces problèmes et qui n'osent jamais nous en parler. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on super, David, ça change ouvre un petit peu les appels David, d'envie. J'aimerais qu'on ouvre l'émission, d'ailleurs, à ce genre de propos. Je trouve pas que c'est pas indécent, ça, que je... Pas du tout. Mais pas du tout. Non, au contraire, c'est plein de sensibilité. Et ça permet à beaucoup de gens qui sont dans le même cas que toi de s'apercevoir qu'en fin de compte, ils sont pas seuls. Parce que toi, tu aurais pu penser, si tu nous avais pas appelé, que tu es toute seule sur cette terre à vivre, oui, à vivre ça, alors qu'il y en a plein d'autres. Oui, justement. Alors, je suis tout seul à la Nounette et toi. Alors, heureusement que j'aime beaucoup de choses, que je suis un peu l'orgue, que je dessine un peu, que je sais broder. Tu aimes les arts. Je suis occupé, très occupé. Oui. Mais, des fois, je parle avec les tableaux. Oui, bien sûr, mais c'est le problème de la solitude. Et si ce soir, il y avait un camarade du même âge que toi, 55, 60 ans... Elle avait jusqu'à 70 ans même. Voilà. Même. Attention, le moment que... je suis un peu ici sain, hein. Pas de cigarette, pas d'alcool. On a compris. Pas de cigarette, pas d'alcool, quelqu'un... Il y a autre chose. Mm-hmm. Bien sûr, c'est dans la tête. Très propre. La personne que sea femme ou homme qui veut être mon camarade, il faut que sea d'une propreté. Oui, oui, oui. Ok. Donc, uniquement des gens qui dépassent les 55 ans. Pas nécessairement d'ailleurs, pourquoi pas. Oh, je préfère. Oui. Les hommes qui sont à la retraite déjà. Je préfère pas de plus jeune que moi. J'ai 55 ans, la retraite à 60. Hein. Oui, j'aimerais. Je vous serai très reconnaissant si pour vous, je arrive à avoir un métier à partir d'aujourd'hui. Dis-moi, si tu trouves un camarade, est-ce que tu nous rappelleras pour nous dire de quelle façon ça s'est passé? Ah, bien sûr. C'est vrai. Ah oui, absolument. Si, je vous promets. Bon, alors, donc, ton message est... j'espère que les personnes qui ne correspondent pas du tout aux critères de Luz Divina, ce n'est même pas la peine d'appeler parce que c'est un appel plein de sensibilité, de gentillesse, de tendresse. Et c'est une personne qui recherche quelque chose de bien précis. Pour ceux qui veulent tirer leur crampe ou envoyer un coup, je pense que attendez pour pouvoir nous contacter. Et c'est des personnes bien précises que Luz Divina veut rencontrer et ayez au moins la franchise d'admettre que si vous avez envie de tirer un coup, et puis il ne faut pas appeler. Non. Voilà. Ah, David. Oui, chérie. Mais oubliez quelque chose. Oui. Je n'aimerais pas un homme fort. Comment? Je n'aime pas si c'est un homme. Trop fort. Si c'est une blessure, je n'aime pas les hommes forts. Tu veux pas des hommes gros? Non. D'accord. Ok. Mais de toute façon, il y a plusieurs personnes qui te contacteront, que tu contacteras parce qu'on te communiquera les numéros de téléphone. Oui. Et puis après, tu feras le tri toi-même. On peut pas bien te faire le tri quand même. Et tu te débrouilleras, on te communiquera les quelques appels que tu auras. D'accord. Ok. Merci. Alors, tu nous promets de nous rappeler si toutefois il se passe quelque chose. Ok. Divinas, merci infiniment. Tu seras toujours la bienvenue si tu nous appelles. On t'embrasse très fort et on te remercie beaucoup de ton appel. D'accord. Infiniment. Bisous. Je t'embrasse très très très très fort. Voilà. Alors pour contacter Luz Divinas, vous avez bien compris les critères qu'elle recherche. Vous pouvez nous appeler au 43 57 69 70 43 57 69 70 pour Luz Divinas. Dis donc, David, j'aimerais qu'on fasse un break là. Qui a dit qu'on avait une émission de cochonne, de pouillerie, d'enculé? Tu vois qu'on a des appels et infiniment touchants. Bah oui. Et ça, c'est... Moi, ça me touche beaucoup. Voilà, et, moi aussi. Ça change de certains appels qui ont... Cherchent à se faire enculer. Non, mais des qui ont la tête dans le cul, qui savent même pas répondre à une question. Je ne critique pas les appels d'aujourd'hui, mais disons, il y en a des fois, ils traînent une charrue de conneries derrière eux, accrochée avec un câble incassable. Hein. raconter une horreur, une petite... Ouais. Donc vous avez la spécialité maintenant. Oui, ça. Après, on va prendre un animateur. Oui. On ferait bien de prendre un animateur de temps en temps. Alors, nous allons prendre un camarade. Ouais. Allô. Allô. Bonjour. Salut. Alors, moi, c'est Yagil. Yagil. C'est de quelle origine, ce prénom? Hein? C'est de quelle origine? C'est d'origine tunisienne. Tunisienne. Okay. Yagil, c'est un très joli prénom. Yagil. Yagil. Yaouldi, Yagil. Ouais, non, mais moi, je suis pas arabe, moi. Ah. Oh. Mais... non, je suis feuge. Très bien. Ah, t'es feuge. Ouais. Tu es feuge tunisien. Voilà. Bon, ben voilà. Yaouldi, Yagil. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu appelles et ton petit frère qui dort. C'est Warzid, Warzid. Ah. Alors, Yagil... Vous connaissez Warzin? Non. Oh ben, moi je passe ma vie à Warzin. Mais il écoute Warzin. tu as donc 22 ans. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te branche? Alors voilà. Moi je fais un joli métier. Je fais un joli métier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà. Alors moi j'avais un fantasme. C'est-à-dire que maintenant on le fait plus trop, quoi. Oui. Mais voilà, à une époque, on mettait du pain. Oui. Dans les urinoirs. Oui. On mettait samedi matin. Oui. On revenait samedi soir. Oui. On prenait, on l'amenait à la maison. Et on dégustait le pain. Et on dégustait, c'était divin. Alors, ça s'appelle des croûteurs. Les croûteurs, alors voilà. Je vais t'expliquer. Alors, pour les spécialistes, il faut jamais mettre du pain en tranches. Non, non. Il faut toujours mettre un croûton, c'est pour ça un qu'on... Un croûton, pour pas que ça soit trop mou. Voilà. Et à la limite, plein d'urine, c'est divin. C'est divin. C'est du pain rassis qu'il faut mettre. Voilà, du pain rassis, mais il faut pas mettre des tranches. Parce non, que non, les tranches, ouais. Ça enlève la... miettes. Voilà, un soupeur. On vient de me donner un nom. L'expression, c'est un soupeur. Un soupeur. Un croûteur aussi. Superman. Un soupeur. Voilà. Alors maintenant, nous avons une manifestation, il y avait un an et demi, lorsqu'ils ont retiré toutes les urinaires, parce qu'après ils ont mis des sanisettes, et le pain, ils ne pouvaient pas le laisser, parce qu'à chaque fois, le pain partait avec la daube et tout, le pied pas, et tout ça. Et maintenant, il n'y a plus de possibilité de... Non, dans les gares, il y a encore des urinoirs. Oui, mais il y a des métiers comme ça qui disparaissent, tu vois. Oui. Alors, donc, c'était tout un cérémonial. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, on est au chômage, quoi. Allez, chômage voilà, technique. Ça. Tu vendais le pain. Voilà, alors... C'est la mort du petit commerce. Et on voulait, voilà, c'est ça. C'est... Si on voulait ouvrir un petit stand comme ça... Oui. On aurait un petit stand, on aurait vendu ça. Au salon de l'amour. Ouais, au salon de l'amour, un petit stand. Alors on aurait fait des parfums différents, alors on aurait mis... Ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire avec du... à la fraise, on aurait mis un peu de Nutella. On et on aurait mis, fait un restaurant. Oui. Mais tu sais, il y en a qui sont comme des fous pour ça. Bah bien sûr. Mais à déguster sur place ou à emporter, c'est ça? Voilà. Ah, bah oui. Et il y aurait une majoration à emporter ou à domicile, on aurait pu amener à domicile. Ah, en livraison. Plus tard. Apportez-moi deux pains de campagne urinés d'une jeune fée de 18 ans. Et oui, parce qu'il peut y avoir des commandes spéciales. Voilà, on aurait pu faire... Alors on pouvait faire... on aurait mis au chocolat, on aurait fait la fraise. Au sucre nature, au beurre. Et on pourrait trouver ça chez les traiteurs, voilà, chez Caspia, chez Goldenberg, chez... 3615, Côte Crouteur. Voilà. Ah, commande sur Mini. Ça aurait été plus tard, quoi, déjà. Il faut lancer le commerce et après, voilà. Mais il va y avoir une manifestation, il y a tous les crouteurs et les soupeurs d'Île-de-France qui vont porter plainte contre Deco. Jean-Claude, hein, pour Alain, celui qui a fait les sanisettes. Oui, hein. Voilà. L'homme des sanisettes, il a même exporté ça aux États-Unis. Mais est-ce que t'as déjà goûté toi-même une tranche? Ben, moi je l'ai fait une fois. Oui. Mais c'est mon copain, là, Warzin, justement, oui. qui aimait beaucoup ça. Mais nous, on n'était pas pédés, bon, on faisait ça pour bah, s'amuser. Il n'y a pas que d'urine de pédé qui existe. Et un jour, on l'a fait avec des meufs. Bon, oui, elles ont pas trop aimé. Les meufs, ça pisse jamais dans les urinoirs aussi. Oui, c'est pas non, mais bon, tu peux trouver un moyen. Tu les fais pisser dans une bassine et tu gardes la bassine. Ouais, c'est ça. Elles sont venues à la maison, mais elles voulaient pas goûter. Est-ce que t'as déjà essayé de pisser debout, Pascal? Comme les vaches. Non, ça m'est arrivé après un accident malheureux, je me suis retrouvé... un de tes nombreux accidents malheureux. Un de mes nombreux, je n'arriverai pas à situer lequel. Marianne Godfrey parmi nous, bonsoir. Je vous explique, j'avais un plâtre et j'étais dans un endroit où il n'y avait que des chiottes à la turque. Et avec un plâtre, on ne peut donc pas plier la jambe et s'accroupir. Ça s'en rend de ne pas se plier à cause du plâtre. Et oui. On t'a jamais plâtré le trou en tout cas. Non, ça. Oh, ça ne va pas tarder. Ravalement. Et alors, donc, je t'explique comment elle a fait. Elle est restée debout, elle n'a pas pu se plier. Et elle a. Alors, tu sais, parce qu'elle est quand même assez ouverte. Donc le problème, c'est qu'au lieu que ça fasse un geste, ça coulait le long des cuisses. Et ça remplit le plâtre. Un bocal à poisson. D'ailleurs, le médecin m'a demandé ensuite quelles sont ces traces jaunes sur votre plâtre. Je dis, c'est l'humidité. C'est l'usure. Il vieillit. C'est la sueur. C'est normal, oui. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une fille qui nous appelle, une fille qui arrive à pisser debout, sans se pincer les lèvres. Non, mais en écartant les jambes ou pas? Non, non. Tu écartes un petit peu quand même. Tu fais 10 cm. Ah, mais moi, j'y arrive, hein. Tu arrives à faire mais un jet? Ça dépend. Il faut avoir beaucoup bu et pas avoir pissé depuis longtemps. Mais il y a une forte pression à ce moment-là, ouais. Si c'est un petit pipi, une petite pluie, ça là, va pisser dans un écrire un livre. Ouais, ouais. Un livre. Ouais. Un livre sur tout ça, sur. Ouais, ouais. Ah, moi j'y arriverai, oui. Ah oui, ah, ouais. Je vais prendre le pari. Est-ce que ton urine est pas chaude? Ça dépend. Si on a bu, beaucoup, c'est pas chaud. La bière. La bière, c'est chaud. La bière, ouais, plus, déjà. Mais si on a, si c'est d'autres liquides, effectivement, mais l'eau, c'est froid. Est-ce que tu prends plaisir à pisser? Quand j'ai très envie, j'ai une quasi-jouissance de pisser. C'est bon, non? C'est comme quand tu vas chier, c'est pareil. Hein. Quand j'ai bien envie... Je ne suis jamais, Tu as une petite touche. Non, comme quoi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de courriers de gens qui chient. Et qui m'explique, qui me disent... Mais toi, en fait, ce que tu es, ça se reconstruit, tu remanges en même temps. Tout se refait à l'intérieur. Le circuit continue. Rien ne se perd. Même l'heure, il ne te donne pas, David. T'es fauche, David? Oui. C'est pas vrai. Si. Ah, ça fait plaisir. Il est radin, même l'heure, il ne la donne pas. Pascal, est-ce que... Donne-moi ta mot, je te dirai l'heure. Pascal, est-ce que tu as des copines qui pètent? Non, des femmes style mondaine, femmes de profession, des professeurs, oui. Et tu les vois un peu des fois se pencher un peu sur le côté. Non, ça se passe pas comme ça. Alors comment une fille pète? Ça se passe, d'abord il y a une première phase qui est celle de on sent venir le P. Ah. Alors, une grimace faciale. Ça se voit sur la figure. Le masque de la grosse. C'est-à-dire la perplexité, comment vais-je faire pour retenir ce que je ne pourrais pas retenir. Ensuite, ça se passe en serrant les fessiers, ça remonte légèrement. Donc la personne, ça se voit. Mais hier, j'ai vu ça à l'Élysée, Margaret Thatcher. Elle est paralysée. Le trou qui remonte légèrement, les cuisses qui se serrent et les fessiers qui se serrent aussi, le sphincter. Enfin, tout quoi. Et alors ça, c'est la seconde phase. Et la troisième phase, c'est la phase propulsion. C'est-à-dire, on ne peut plus. On ne peut plus retenir. Alors là, ça... Alors, on essaie on essaie de faire ça discrètement, quand même. Parce que, bon, on est entre gens de bonne compagnie. Très discrètement. Et à ce moment-là, on sent la libération. La personne s'affaisse sur son siège, tu vois. De joie d'avoir finalement expulsé... C'est une fierté, c'est la fierté d'avoir... Non, c'est pas la fierté, mais bon, on a rien pu faire, et finalement... Voilà. Est-ce que tu as eu déjà des copines qui n'avaient pas honte de péter devant toi? Oui. Non, mais il y a les deux, parce qu'il y a deux clans quand même, hein, dans la vie. Ah, il y a celle qui pète et celle qui pète en... Ceux qui pètent en silence, et ça sent en général très mauvais, et ceux qui pètent en bruit... C'est les sournois. Oui. Il y a ceux qui font les deux aussi, ça existe aussi. Oui, il y en a, bon, il y en a qui cumulent, mais ça, ils ont un impôt spécial aussi, après. Hein, c'est un cancer de l'anus. Oui, sur la déclaration d'impôt. Ils ont tout croûté. Et il y a les femmes aussi qui pètent de la chatte. Alors je vais vous expliquer, mesdemoiselles. Ah, ça, oui, ça. C'est très très bon de péter de la chatte. Et c'est le corps qui fabrique ces pets de chatte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les mecs, quand vous pissez, bon, quand vous rentrez la bite dans votre calbar, vous secouez toujours avant pour faire béton la dernière goutte. Ouais. Pour pas que ça fasse dans... Mais les chattes, comment tu veux secouer la chatte? Tu vas pas t'accrocher à une barre et tu vas te secouer pour faire béton la dernière goutte. Donc, mesdemoiselles, quand vous avez une chatte, vous pouvez pas vous beurrer le chat avec un Kleenex pour essayer de chercher la dernière goutte. Donc, le pet de chatte, ça sert à faire sortir les dernières gouttes. Non, mais... Alors, toujours essayez de garder un peu de gaz à l'intérieur du chat. Si vous pouvez pas, vous envoyez un peu de gaz avant de pisser avec une bombe de but à gaz ou un truc comme ça. Lacrymogène. Vous mettez une allumette devant. Vous gardez un peu de gaz, et puis lorsque vous avez terminé de pisser, paf, vous pétez, et vous envoyez la dernière gîte. Non, mais ça arrive souvent aussi quand le chat, et en particulier le vagin, est plus large que la bite qui rentre dedans. Alors ça fait une sorte d'appel d'air, tu vois. Tu fais ton calme, tu sais. Ah non, moi non, mais non. Et alors donc ça fait une sorte d'appel d'air. Quand ça rentre et ça sort, il y a de l'air qui rentre, qui s'accumule. Et quand la bite sort ensuite, tout l'air qui s'est accumulé s'expulse et ça fait des pets de chat. Il y en a qui pètent de la bite aussi. Je ne connaissais pas ça. Alors moi j'ai connu quelqu'un qui pétait de la bite. Ah, c'est incroyable. Non mais il disait qu'il pétait de la bite et en fait... C'était vrai, je l'ai vu. Une vieille bléno qui devait traîner. Non, c'est l'intestin, le gros intestin qui a dû se mélanger. Non, c'est avec en se tordant la bite, il arrivait à faire des petits... comme ça. Mais... Non, c'est rigolo ça. Non, ça c'est une poupée qui fait... Une poupée... Je suis une poupée de pine. Alors, mon petit Yagdil, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? Est-ce que tu as envie de rencontrer une camarade ce soir? Oh non, parce que moi, bon, je suis plus dans le métier, quoi. Ah, t'as laissé béton. Maintenant, je suis vendeur de gagarons. Oh, c'est bon, c'est un métier qui a de l'avenir. T'as eu de la promotion, là. Ouais. Et puis, il manque jamais une matière première. Non, et puis il est passé du liquide au solide, c'est bien. Je coule des bronzes. Ça, c'est du solide, t'as raison. C'est honte, ça. Ouais. C'est de l'art. Non, mais... C'est sublime de chier. Moi, on se retourne. C'est vrai, on se retourne, on regarde, on dit putain, c'est moi qui ai fait cette pièce. Mais ouais, c'est vrai, c'est l'émotion. À la limite, même quand tu craches dans un évier ou tu craches par terre, à la limite, t'es content quand t'arrives à cracher un gros cœur. C'est la création, hein, le plaisir de la création. Un glavio. T'es satisfait. Ouais. Bon, à la limite, ça t'inquiète un peu quand il y a un petit jet de sang à l'intérieur, mais quand le truc est vert, gras et tout épais, putain, t'es content et tu regardes. Une huître. Et tu dis, putain, j'espère qu'il y en a un qui va glisser dessus. Et qui va se casser la gueule. Voilà. La tête la première. Mais ça, la dope, c'est pareil, putain, t'es heureux quand tu fais une grosse merde. C'est comme si on venait de mettre... C'est une œuvre d'art. On est tous des artistes. Mais bien sûr, quand t'es tout seul et que tu rôtes pendant, je sais pas moi, 15 secondes, tu te vides presque, putain, quel bonheur. Exact. Et quand t'es tout seul, que tu pètes, putain, t'en éclaté les sphincters. Mais c'est le bonheur, c'est vrai, c'est la vérité. Cette vérité qui vaut des milliards. Les joies simples de la vie. Et que même la nature ne peut abolir. Et puis oui, c'est juste. En plus, c'est un système juste parce que c'est donné à tout le monde. Riche ou pauvre. Non. Si. Riche ou pauvre. Oui. Même les pauvres, ils ont le droit. Ah et oui. Mais pourquoi on pourrait ouvrir grand ses oreilles, ouvrir grand ses yeux, ouvrir grand sa bouche, crier, taper fort et tout. Et pourquoi ne pas ouvrir grand son cul, péter fort, se chier dessus, pisser dans son ben. Mais non, mais c'est vrai. Non, bon. Yadgil, on va te laisser parce qu'on a beaucoup d'appels. Ok. Ben alors moi, je veux dire un petit bonjour à Jean-Luc, à Xéron, à Albert et enfin à Cyril, à toute la bande. Oui. Voilà. À tous les bouffeurs de Tosh. De Tosh. Les licheurs de Minge. Est-ce que t'as des copains PD? Alors, ah oui, PD, j'ai oublié de vous dire comment on disait PD. C'est Béda. Béda. Ah oui, c'est un très bon vocabulaire, ça. C'est le vocabulaire gitan, non? Voilà. En gitan, PD, c'est Béda. Et quand vous avez un copain, un bon copain, il faut pas dire ça va, Gadjo et tout, hein. C'est Avat Chova. Avat Chova. Amigo. Ah bah mon bon pral, c'est mon frère. Ça veut dire quoi? Mon bon pral. Ah bah chova, ça va mon pote, mon copain. Ah, chez nous on dit Kinteba. D'un coup. Et c'est du l'occitan. Alors si vous voulez être encore plus gentil, c'est mon bon pral. Mon bon pral, c'est pas mon bon prol. Mon bon pral, c'est mon bon frère. Mon pral, c'est frère. Mais comment ça se fait que tu parles gitan comme ça? Et parce que j'ai fait avec les gitans. Ben oui, c'est. On a fait les foires. Ah, on a tout vu. On a tout vu. Ben c'est pour ça qu'on est là. On a tout vu, on a tout fait. Imagine, c'est pas Mitsu ou Cookie qui vont faire l'émission. Hein? Exact. Bon, faut des enculés. Faut des hommes de main. Voilà, des hommes de main. Ceux qui ont eu le travail, entre ouais. les mains. Les vrais. Alors, je récapitule. Alors, le cul, c'est comment? Ben... Yadgil. C'est pas... Moi, je suis pas vraiment basé sur ça. Oui, mais le cul... En gitan, tu écoutes l'émission. Ah, attends. Moi, je vais vous poser des questions comme ça, si vous n'arrivez pas à répondre. Il y a le pélo, c'est la bite. Oui. La mine, c'est la chatte. Ouais. Oui. Le cul, c'est quoi? Attends. Ah, je le savais. Le boule, voilà. Comment on dit regarde? Ah, ça, je sais pas. Dicave. Comment on dit la fille? Ah. Je sèche. La gadji ou la racli? Racli. Oh, c'est mon mieux gadji, monsieur. Hein? La gadji, c'est pas très... la racli. La racli, c'est la pute. Non, c'est la fille, ou le gadjo et le raclo. Voilà. Et on va faire un dictionnaire. Voilà, on va faire. En commerce. Faire. Alors maintenant, s'il y a un gitan qui veut nous appeler. Ce serait sympathique, ça. Et voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait un gitan. Vous dites au standard, s'il y a un gitan qui nous appelle, on le passe en priorité, parce que nous aussi, on manque de vocabulaire, et puis il nous en faut. Alors, un gitan, il passera en priorité. Hein. Moi, ou quelqu'un qui veut nous chanter une chanson en étranger, comme les Arabes qui avaient chanté une fois. Voilà. Tu te souviens? Tu peux dire au standard qu'il passe en priorité un gitan, et puis... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Quelqu'un qui parle l'occitan. C'est très rigolo, l'occitan. Ouais. L'occitan. Bon, alors, un qui peut chanter une chanson en occitan, et un gitan qui connaît parfaitement, qui pénave, raluche correctement. Hein? Voilà, et puis... ça sera avec plaisir. Alors, Pénavralu, ça veut dire parler gitan. Pessarav la chimouli, c'est payer un verre. Voilà. Bon, on laisse béton maintenant, et puis on va passer à un autre... Et comment on dit baiser, voilà? Bouillave. Ça, c'est facile. Donc, Yadgil, on te laisse, mon petit chat. Ok, ben, je vous embrasse très fort. Ok. On fait aussi un gros bisou, on a oublié de faire un gros bisou à tous ceux qui travaillent actuellement, les chauffeurs taxi qui sont engueulés par leurs clients lorsqu'ils font écouter l'émission à leur pain bêche, à leur mijoré, à leur rombière qui sont dans le taxi pour rentrer dans le 16e. Ça vous prend par là. C'est bon. Ça rentre par tous les trous. Ça m'a pris d'un coup, ça m'a pu lâcher. 43 57 69 70, c'est le numéro du bonheur. Le numéro à conserver près de vous, le numéro à composer en cas où vous désireriez passer à l'antenne pour parler de vos fantasmes, de votre sexualité ou tout simplement de vos problèmes. Ça, c'est sur énergie. Tu sais, quand le mec le matin à 9h, à 8h du matin, ils font à Reims, 24 degrés, Bordeaux, 3 degrés, Marseille, 15 degrés, Paris, 24 degrés. Ouais, pour... Dis donc, nous avons une autre auditrice en ligne. Ah, bravo, merci. Allô? Bonsoir David et bonsoir Rosa. Bonjour. Bonsoir. Je veux dire déjà que je suis très émue par le témoignage de Bello Similar. Je veux dire que nous aussi. Et le public présent qui est réduit, parce qu'on n'est plus en public maintenant, on est en studio, mais on est comme une vingtaine de personnes, on est tous très troublés par l'appel. Ah oui, j'ai beaucoup aimé, enfin. De Luz Livini. Alors toi, qu'est-ce qui t'appelle? Moi, j'ai rien à dire. En fait, j'ai rien à dire. Quel âge as-tu? J'ai 32 ans. Et ton prénom, tu as Laurence. Laurence, oui, c'est ça, oui. Et j'appelais simplement pour vous remercier de votre émission, parce qu'il y a plein de courage, il y a plein de d'humour provocateur que j'aime beaucoup. Je prends rien au premier degré, et c'est pour ça que je... Enfin, il n'y a pas très longtemps que je vous écoute, que je vous ai découvert. Et la première fois... La première fois... je suis tombée sur j'ai ressenti une certaine agressivité, mais je pense que c'était je sais plus. Une parade. Oui, je pense. Et bon, moi, il est vrai que j'ai pris ça au premier degré la première fois. Et, c'est dur et à écouter la première fois. Oui, hein. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on n'est pas habitué du tout. C'est sûr. Et j'ai quand même poursuivi l'écoute jusqu'à la fin de l'émission et j'ai complètement changé mon opinion. Et puis maintenant, c'est la troisième fois que je vous écoute et puis je suis fidèle à rendez-vous. Merci Laurence. Et je voulais vraiment, enfin j'appelais uniquement pour dire ça et non pas pour parler de moi. Est-ce que tu sens qu'il y a des émissions meilleures que les autres, ou tu t'amuses à chaque fois Sur Future Génération? Non, sur Lune de Fiel. Sur Lune de Fiel, tout dépend des éditeurs, tout dépend des, non, appels, des intervenants, c'est ce que je réponds toujours aux journalistes qui m'interviewent là-dessus. Ouais. Et qui interviewe David, c'est notre réponse toujours, on dit, tout dépend des appels, parce qu'au fond, l'émission n'existe pas d'ailleurs, on peut le rappeler, et on va rappeler le téléphone d'ailleurs. 43 57 69 70. Oui, l'émission, c'est pas nous qui la faisons, c'est les auditeurs. Hein. Voilà, et il y a un gros travail aussi au standard, parce que on a 10 lignes. Oui. Les 10 lignes sont sans arrêt occupées. On a centaines d'appels de gens qui veulent passer à l'antenne. Et on de perd gens... peut-être des appels fabuleux, voilà. Parce qu'il y en a d'autres qui braillent les lignes. Au standard, il faut qu'ils arrivent à savoir qu'est-ce que veut la personne. Si à la limite ça peut être amusant ou intéressant ou sensible ou mais quelque chose. C'est injuste parce que je ne voulais pas passer moi. Alors je suis désolée pour ceux qui veulent passer. C'est une erreur heureuse. Non, il a voulu parce que c'était pour des félicitations. Alors il a dit mais bon. Pourquoi tu ne veux pas se dire à l'antenne? Alors David, maintenant lance-moi un appel pour les horreurs. Ah bon, oui, ça compte. Lance-moi un appel pour les insultes quand même. Laurence, c'est quoi, en faire court, puisque tu n'as rien à proposer. Oui. Sinon tes remerciements dont nous te remercions et ben, ça nous touche droit au cœur. Ta vie sexuelle va bien? Oui. Ouais. Oui, ça va, ça va. T'es amoureuse? T'es amoureuse en ce moment? Même pas amoureuse, mais il n'empêche que ça va. Et non, ça va très bien. C'est pour ça que j'ai pas de message particulier à... Tu sais qu'une voix féminine nous fait du bonheur, hein. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai que vous en avez peu, je sais pas pourquoi. On est toujours encore... après 11h. On est trop pudibonde, peut-être. Ouais, je sais les pas. Filles osent moins se dévoiler que les mecs. Hein. Oui, mais oui, peut-être. Se dévoiler, peut-être. Oui. Mais c'est vrai que la barrière des mots est importante pour nous. Aussi, oui. Mais ouais. C'est-à-dire que les mecs insistent au téléphone lorsque c'est occupé, mais les filles, à la limite, le fait de les faire rappeler, bon, c'est quelque chose déjà d'important. Mais de les faire re-rappeler lorsque c'est occupé, c'est déjà un peu plus difficile pour elles parce qu'elles ont le temps de réfléchir et de se dire « Oh non, quand même, si on me reconnaît, si on m'écoute, s'il y a ci, s'il y a ça, tu vois. » Alors que les mecs, ils ont moins honte de dire qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un, qu'ils ont un fantasme, qu'ils ont une petite anecdote à nous raconter. Alors que les filles, bon, ça reste quand même un petit peu tabou de leur côté. Alors que, tu sais, la sexualité, ça se fait à deux. Deux filles, deux mecs, une fille, un mec. Et puis, c'est 50-50, hein. Chacun y met la partie de soi. Hein. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup à vous. Laurence, on te remercie de ton message. Et puis je continue à vous écouter. D'accord. Merci Laurence, salut. Fais écouter aussi tous tes camarades. Avant de rendre l'antenne. Si vous voulez les commander, c'est très simple. Lune de Fiel. 21 rue de la Chapelle, 75-018 Paris. Wow. Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75-018 Paris. Avec un chèque de 50 francs à l'ordre de David Girard ou un billet de 50 francs si vous n'avez pas de chéquier,

Ouais, tout nu. Non, je monte le son. Ouais, enlève ton casque. Attends. Voilà, voilà. Ça y est ? Ça y est. Bon. Tu as pas beaucoup de poils, hein, tu as un berp ? Non, j'en ai plus d'eau. Ouais. J'en ai assez. Alors, je te caresse ta bonne toison. Mmh. Ouais, je commence à t'embrasser le cou. Mmh. Ouais. Puis je descends. Je commence à t'embrasser les seins aussi. Puis il y a mes cheveux qui te caressent en même temps. Qui sont des cheveux qui te caressent, oui. Puis je continue à t'embrasser. Puis je t'embrasse sur la bouche aussi avec la langue. Mmh. Et puis je commence à me frotter contre toi. Je suis au-dessus de toi. Et puis je commence à me frotter contre toi avec mes seins. Et puis je me frotte, je frotte mon sexe contre le tien. Arrête, tu vas aller faire des bandés, ceux qui se branlent. C'est pas faux, ce que tu dis là n'est pas faux. Mais qui vous l'a dit? Ah, vous faites un joli métier. Ah bah. J'ai eu un moment de bonheur là quand même, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne malheureusement. On a des parties de 10 minutes. Non, on n'a pas dépassé, on peut prendre encore un appel. Non, il y a encore... Hey, laissez-moi prendre mon pied. Alors, hey, est-ce que tu veux te branler qu'on écoute à l'antenne? Ah... Branle-toi la bite et tu la mets à côté du téléphone. Ah bon, ça fait du bruit? Est-ce que tu bandes? Ah ouais. Tu bandes? Tape-la contre le téléphone. Laisse-moi entendre. Ah, non, mais tu tapes ton briquet. Mais j'ai que ça à faire. D'abord, je ne fume pas. Bah, tu tapes la cloche à côté. Voilà, là. Exactement. Je prends la batte de baseball et je tape dessus. Tape bien ta bite contre le téléphone. Non, c'est pas ta bite, ça. On sait ce que c'est. Ah bon? Bah tant mieux, non? Eh, non, mais si tu veux que Pascal soit excité, il faut au moins que tu la fasses démarrer, qu'il y ait un start. Bon, je le fais. Ah. Là, je crois. Ouais, là aussi, ouais. Hein? Aussi. Voilà. Oui. Quelle œuvre. Ah. Au début, c'était le pouce. Ah. Alors, qu'est-ce que tu lui fais, toi, Pascal? Ah. À toi de parler un peu. Ah. Et t'écoute. Alors, je l'embrasse en cou. En même temps, je lui caresse les seins. Branle-toi en même temps. Allez, je fais que ça. Et puis, je descends. J'ouvre un peu les cuisses et je fourre ma tête. Il y a un léger goût sucré. Continue. Et tu mets les mains sur la tête. Continue, salaud. Et en même temps, t'en vois pas que la main gauche me caresse. Ah oui, ça dit salaud. Et après, je remonte sur les seins. Je lui ouvre les jambes. Oh, oui. Et je mets le fou. J'ai soif. Je mets le steak au fou. Oh, je continue, je commence doucement. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Je la fourre dans le cou. Oui. Descends plus bas. Je descends sur les seins. Oui. Lèche-moi la chatte. Je descends. Lèche-la, salaud. Je te fais mon dieu. Lèche-la, salaud. Je te mon bruit. Lèche-la, putain, j'ai envie. Hé, c'est à Pascal que je veux parler, moi. Mais ta gueule, en fait. Oh, sympa, les mecs, sympa. On a le droit de se branler aussi. Bah, allez-y, alors vous ne suivez pas. Hein.